En 17 années d'existence, Réanimation aura diffusé à peu près 15 000 pièces métal et ou connexes au genre. J'aurais débuté l'émission avec des centaines d'introductions différentes. J'aurais fait plus de 4500 interventions de présentations et ou de commentaires. En tenant compte des différents horaires de diffusion depuis les 17 dernières années, il y a eu près de 1900 heures diffusées en direct. En faisant le calcul des pauses et ou absences qui ont lieu au fil des années, du nombre de playlists, eh bien voici. Réanimation des Undead Incorporated Show fera sa 750e émission le 7 mars prochain. Il y aura donc eu 750 fois que je vous aurai prodigué mes bons soins mentaux et thérapies sonores. Et ce, tout à fait gratuitement. Le 7 mars, ce sera le temps pour vous de payer. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il réalise qu'il devrait dorénavant facturer en détail toutes ses interventions. Même au niveau des points de suture. Mais il y aura toujours la possibilité du prix de groupe. Tous cousus ensemble. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Cover. Go. Arrow out of line. Spending time. We'll be right back. Fou, 89.1. Le 24 février ainsi que le 4 mars prochain se déroulera la 11e édition des Nuits polaires de Trois-Rivières. Ne manquez pas Moose's Heart, Corias, Coca, composé de Karim Ouellet et Kenya Bid, ainsi que plusieurs autres artistes. Pour toute la programmation, visitez nuitspolaires.ca. La 11e édition des Nuits polaires, une collaboration de la Corporation des événements de Trois-Rivières, la SDC Centre-Ville, la Maison de débauche et CIFU 89.1 FM. Ma? Oui, mon chou? Le groupe prépositionnel, là, comment je fais pour trouver ça? Ma... Allô, prof. Ma, j'ai besoin d'aide. Oui? En anglais, là, c'est quoi déjà un auxiliaire modal? Auxiliaire model, On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô, prof. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album Incandescence d'un avenir incertain ou bien Pleine lune d'automne, volume 3. On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle Olinéa, puis c'est disponible partout. Circuit des étudiants. Affiche ta fierté UQTR. Du 14 au 16 février 2017, publie le mot-clé « Futur diplômé UQTR » au singulier, sans accent, accompagné d'une photo qui représente ta fierté d'être un futur diplômé. Trois prix à gagner. Deux bourses de 250 $ offertes par la Fondation de l'UQTR et une Apple TV accompagnée d'une carte iTunes d'une valeur de 250 $ offerte par TD Assurance Meloche Menox. Une présentation du Bureau des diplômés de l'UQTR. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM en ce 14 février de l'an de disgrâce 2017. 14 février, ça me rappelle quelque chose, mais je suis plus certain. Ah oui, c'était le soir où je devais mettre les déchets au chemin, c'est ça. Mission qui comportera certaines nouveautés, en fait trois. Nouveauté, oui, considérant, comme je disais la semaine dernière, que deux semaines ou quelque chose du genre soit encore considéré comme nouveau. Mais avant, laissez-moi vous énumérer ce qu'on vient d'entendre comme premier bloc d'ouverture qui était consacré à des reprises, à des covers, dit en bon français. On a eu la formation avant la pause publicitaire, formation américaine Death. Et leur reprise de Painkiller, qui évidemment est une pièce originale de Judas Priest. On retrouve cette reprise sur The Sound of Perseverance, qui était le 7e et dernier album de la formation avant le décès de Chuck, bien sûr, paru en 98 sous étiquette Nuclear Blast. Et anecdote intéressante, il aura fallu 23 démos à Death avant d'avoir un contrat pour le premier album. C'est ce qu'on pourrait dire, it's a sound of perseverance. Juste avant, nous avions ces quatre musiciens qui se sont accoquinés, pour ainsi dire, pour refaire une pièce de Metallica, bien sûr, Whiplash. Je parle de bien sûr, de Vinnie Appice, qui était connu pour son passage en tant que batteur dans Dio, entre autres, et Black Sabbath. De Scott Ian, bien sûr, guitariste de Hamtrax. De Billy Milano, cette créature étrange, souvent, qui s'est fait connaître principalement dans Stormtrooper of Death, SOD, et MOD, Metal of Destruction. Ainsi que de Phil Soussan, qui était le bassiste et qui a joué aussi avec Ozzy Osbourne, entre autres, et surprise avec Johnny Hallyday. Ooh. Donc, Whiplash apparaît, bien entendu, sur l'album Kill 'Em All, le premier album de Metallica. Nous avions avant les Suédois de Hopeth et leur excellente reprise de Celtic Frost or Circle of the Tyrant, qui est tirée de l'album My Arms, Your Ears, qui est paru en 1998 sous Candlelight, qu'on retrouve bien sûr la version originale de Celtic Frost or Circle of the Tyrant sous l'album To Megatherion. Nous avions ouvert avec une formation américaine Made in Brooklyn, comme ils aiment tant le dire, soit Biohazard. Ça fait très longtemps que je n'ai pas passé de Biohazard, et puis je suis retombé là-dessus. After Forever, qui est bien sûr une pièce de Black Sabbath, qu'on retrouve sur le premier volume de le Tribute to Black Sabbath, soit Nativity in Black, qui est paru en 94. Et puis je me suis dit, ouais, Biohazard, c'est vrai qu'il y a une certaine époque, j'aimais bien ça. Principalement de 90, soit du premier album, aller jusque, je dirais, en 96 avec l'album Metal et Aho. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'époque, en 94, à découvrir State of the World Address, qui était... En fait, j'ai réécouté parcimonieusement l'album, et je dois dire que ça m'a donné le goût de le redécouvrir et probablement d'en repasser à... Réanimation. Formation, bien entendu, qui se voyait attribuer le suffixe hardcore avant metal, bien sûr, le suffixe présumé avant hardcore metal, parce que probablement parce que dès leur début et pendant un certain nombre de temps, ils ont tourné énormément avec des groupes très populaires de l'époque, la scène hardcore, comme entre autres Agnostic Front ou Cro-Mags, mais surtout parce que on retrouve dans leur musique certaines façons de faire, musicalement parlant, qui étaient qualifiées comme étant hardcore à l'époque. Aujourd'hui, le hardcore est très différent, voire méconnaissable, de ce que c'était dans les années 80-90. Et c'est probablement pour ça que Biohazard a été qualifié de groupe hardcore metal et non de metalcore, ce qui est très différent et beaucoup plus laid, je dois dire. Mais, soit dit en passant, et tout ça pour dire que Biohazard va probablement revenir à l'occasion sur les ondes de réanimation. Et nous, on va avec la formation allemande Creator et leur reprise. Il y avait en fait deux reprises de Judas Priest dans cette espèce de bloc cover, si on veut, ou hommage. Appelez ça comme vous voulez, j'en ai absolument rien à cirer. Grinder, bien sûr, qu'on retrouve sur British Steel et qui apparaissait sur cette compilation Tribute to Judas Priest Legends of Metal volume 2 qui est paru en 96 sur Century Media. Il y a quelques bons trucs là-dessus comme reprise. Il y en a qui sont un peu moins intéressants là, quand ça tombe dans le trop grand épique. Là. Mais il y a des bons trucs là-dessus, entre autres celle de Creator. J'aime bien la reprise de Grindr. Ce soir, il y aura une chronique cinéma, série télé qui est relativement courte, mais qui doit valoir la peine. En fait, à mes goûts, oui. Comme je l'ai dit, il y a des présentations de trois nouveautés. Soit un peu plus tard, dans environ, je dirais, peut-être une quinzaine de minutes avec Star of Madness. On va entendre, entre autres, Valgrind et aussi des extraits d'une nouvelle bande de Sepultura. Mais tout de suite, allons-y avec débutons le bloc avec... Ben, c'est un bloc un peu, je dirais... ouais. Je regarde ça, là, puis ça n'a pas grand bon sens, finalement. Mais je vais le passer quand même. Ça retrouve des genres différents un petit peu, mais quoique. Voilà. Bon, c'est assez connexe finalement. On va débuter avec la formation qui jadis s'appelait Super Joint Ritual, qui met en vedette, bien entendu, Phil Anselmo au vocal et Monsieur Jimmy Bauer, Power Bauer, mais cette fois-ci non pas à la batterie, mais bien à la guitare, parce que c'est le guitariste de Super Joint Ritual. Je dis jadis parce que maintenant il s'appelle Super Joint simplement, et ils n'ont qu'un album à leur actif sous le nom de Super Joint qui est paru un peu plus tôt. pas un peu plus tôt, mais en 2016, je me rappelle plus quand exactement, là, un certain nombre de mois, je n'avais pas tellement aimé. Par contre, je dois dire que ce que je vous présente à l'instant, tiré de Use Once and Destroy, leur premier album, c'est une pièce que je trouve assez intéressante. On retrouve aussi, entre autres, Toxic Holocaust là-dedans, donc on se retrouve dans une... je sais pas, 15 minutes, quelque chose comme ça. Go! Go ahead. Make my day. There is no crazy waiting. There's only passing pain. Yeah. La programmation des spectacles de la Chope du Trou du Diable est arrivée. Ne manquez pas Duchess Says, Violence et Technical Kidman le 24 février prochain au Salon Webasto de la Chope du Trou du Diable. Pour tout savoir sur la programmation de février, rendez-vous dans la section événements du site troududiable.com. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Mets ça le volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. 19h57. Vous êtes toujours à l'écoute des réanimations des Undead Incorporated Show. Faisons de C'est fou jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, succulente, je dois dire, nous avons entendu la formation Dark Angel, formation californienne qui a repris du service en 2013. C'était la pièce The Burning of Sodom qui est tirée de Darkness Descends, qui était le deuxième, paru en 86. Et je dois vous dire que malgré mes 666 ans, quand j'écoute The Burning of Sodom, j'ai vraiment le goût de me tirer partout. C'était évidemment non pas Ron Reinhardt qui était le vocal, puisqu'il était paru seulement sur l'album We Have Arrived. Leave Scars. C'était Don Dottie, et personnellement, je préfère de loin le vocal de Don Dottie. Juste avant, nous avions Toxic Holocaust, pièce tirée du quatrième album Conjure and Command, soit Agony of the Damned, qui paru en 2011 sur Relapse. Formation qui est tout à fait correcte. Dans le thrash metal, là, je dois dire, c'est pas très original, mais c'est efficace. Par contre, ça, Warbringer, formation californienne, il y a vraiment longtemps que j'avais pas diffusé, je dis vraiment longtemps, un petit peu moins que Biohazard, là, mais quand même pas mal de temps. Formation qui vient aussi de Californie, qui est dans un thrash metal. Que dire de Warbringer? Ben, je les ai vus en ouverture de Creator, je crois. Je crois que c'était pour la tournée Hours of Chaos en 2009. Je ne suis plus certain, mais il me semble que c'était ça. Et j'avais trouvé le groupe très fougueux sur scène. C'était bien, honnêtement, du côté spectacle. prestation en spectacle plutôt. C'était bien, beaucoup d'énergie. Je pense que le problème qu'il y a eu avec Warbringer, c'est qu'ils ont été tellement demandés pour... Ils sont venus à Montréal un nombre incalculable de fois, quasi successivement. Je pense que ça les a littéralement brûlés. Ils n'ont pas eu la... Ben, en fait, c'est dur de se régénérer, de se refaire une beauté, pour ainsi dire, quand on fait du thrash metal, parce que c'est assez redondant, on s'entendra. Mais je pense que eux, ça, ce qui ne les a pas aidés, c'est justement de ne pas avoir l'occasion de pouvoir d'arrêter de jouer à un certain moment donné pendant X années et de se ressourcer. Ben, c'est correct, là, Warbringer, mais honnêtement, aujourd'hui, je regarde ça, plutôt je l'écoute avec du recul. Il y a encore des choses qui sont intéressantes. Mais je trouve que même pas tellement vieux, parce que, bon, la pièce Combat Chuck qu'on a entendue vient de l'album War Without End, qui était le premier, paru en 2008. Bon, on s'entend que ça fait pas ça fait pas encore 10 ans, là. Mais je pense que ça vieillit un petit peu bizarrement, à mon humble avis. Et on a ouvert avec Super Joint Ritual, formation de la Nouvelle-Orléans, et la pièce It Takes No Guts, qu'on retrouve sur le premier album Use Once and Destroy, qui est paru en 2002 sur Sanctuary. Moi, je vous avouerais, ben en fait, je vais peut-être pas l'avouer, plutôt le répéter, je dirais que de plus en plus, j'ai de l'admiration pour cet être étrange et parfois très maladroit qui est Phil Anselmo. Je trouve qu'il a énormément de talent. Je trouve qu'il a une très bonne voix. Il est très charismatique en spectacle aussi. Bon, il a pris du poids, Felipe, là, mais je trouve que, honnêtement, ça lui va bien. Il a pas besoin de faire énormément de choses, et je pense que les gens sont prêts à l'écouter. Puis je trouve qu'il fait bien les choses, et j'espère honnêtement que Down va revenir éventuellement avec une nouvelle parution studio. Musicalement parlant, allons-y dans la même veine avec ce que j'ai écouté la semaine dernière, ben en fait, il y a quelques jours à peine, formation américaine, thrash metal, vétéran, soit Overkill, et leur dernière parution, The Grinding Wheel, qui sera présentée à Rock Classic ce vendredi d'ailleurs. Alain pourra vous en parler un peu plus de ça. De ce qu'il aura trouvé de l'album, finalement. Ben, c'est un 18e album hein, pour cette bande-là, celle de Bobby Ellsworth. C'est 37 ans de carrière. Bon, 18 albums en 37 ans, on pourrait dire que c'est pas énorme, effectivement, mais c'est quand même beaucoup plus que bien les formations qui ont à peu près le même, je dirais, le même temps de d'existence. Moi, j'ai jamais été vraiment un fan d'Overkill. Mais j'ai toujours respecté ce qu'ils faisaient parce que je pense que c'est un thrash metal, un groupe très honnête dans ce qu'ils font. Mais ici avec The Grinding Wheel, je fais encore à peu près le même constat que précédemment. C'est trop mou pour moi, c'est trop joyeux entre guillemets. C'est un thrash metal qui est pas assez méchant à mon goût. Et ben ça me colle pas à mes goûts musicaux au niveau du metal. Mais par-dessus tout, c'est vraiment la voix de Bobby Ellsworth qui me revient vraiment pas. Il y a des intonations que je suis vraiment pas capable. Et je dois dire que ça me rebute même par moment. Donc, musicalement, par contre, faut que j'avoue que c'est très bien fait. C'est un band qui est très tight. Même en spectacle, je les ai jamais vus là, de mes yeux vus, mais j'ai vu quand même plusieurs soit parutions DVD ou en fait sur le web là. C'est un band qui a l'air d'être assez tight même en spectacle. L'album est très bien produit, la pochette est intéressante aussi, cette espèce de grinding wheels d'engrenage si on veut là. Mais personnellement j'ai pas énormément apprécié l'album. Ça cadre pas, le thrash metal plus en plus difficile avec ça. Il faut que ça soit vraiment là très très méchant, ou en fait que ça vienne me chercher très rapidement, ce qui n'a pas été le cas avec Overkill, malheureusement. La semaine prochaine, je vais vous présenter des Advance littéralement, soit la nouvelle parution, les formations, les Pays-Bas, Sinister, Death Metal, soit Syncretism, ainsi que la nouvelle parution des vétérans de la scène Death Metal américaine, autre formation, Death, bien sûr, Immolation et l'album Atonement. Ainsi que, et je dois le dire cette fois-ci, là, je peux en parler parce que je l'ai bien écouté cet album-là, c'est grâce à Sinistros que j'ai découvert ça. Formation, c'est faux, c'est pas italienne, c'est polonaise. Dope Lord, qui donne dans un stoner doom metal l'album Children of the Ace, qui serait le troisième ou quatrième, je crois. J'ai beaucoup apprécié cet album Dope Lord. Je me propose de vous en faire jouer un extrait la semaine dernière. Ce que j'aurais aimé faire cette semaine, mais bon, programmation étant faite, ça devient difficile à la dernière minute de tout remplacer, là. Surtout que je suis accablé d'une lâcheté incroyable. Donc, Dope Lord et Children of the Ace, c'est du doom, oui, avec une dose stoner. Et ce que j'aime, c'est que ça, il y a une espèce de comment pourrais-je dire, une espèce d'élément qui se dégage de cette musique-là, qui devient comme hypnotisante, c'est un grand terme là, mais captivante, voilà. Généralement un vocal assez clean, et parfois pour une ou deux pièces, un vocal un peu plus caustique, ça fait très bien le travail aussi. Production est vraiment bonne aussi. Présentation est très intéressante aussi. Bref, j'ai beaucoup aimé Dope Lord. Donc, la semaine prochaine, je vais vous en présenter minimalement une pièce, soit relativement longue, là. Je verrai si je peux en passer deux. C'est ça. Là, je vous parle de nouveautés. C'est une nouveauté. Oh non, pas vrai. Pas une nouveauté qui date déjà du 29 janvier, mais ça fait tellement longtemps. Ben, j'ai pas eu le choix, hein, parce que, étant donné que la Retro Undead s'est commis sur 3 semaines, et dont il y a une semaine, j'ai dû m'absenter, ben, ça a décalé toutes les choses. Mais ça veut pas dire que c'est des vieilleries pour autant. Ben, j'ose l'espérer. Je vous parle de la formation allemande Star of Madness. Star of Madness, qui est une formation qui existe depuis relativement peu de temps, c'est-à-dire 2015, et de leur premier album, The Truth Beneath. Une formation qui vient de Bavière. C'est rien de hyper original. C'est pas le cas. De toute façon, l'originalité est de plus en plus difficile à faire remonter à la surface au niveau musical. Bon, je dirais principalement. Ben non, dans tous les styles, finalement, je pense. Est très difficile, justement, de devenir particulièrement original. Mais c'est le genre de groupe qui fait le travail. C'est assez accrocheur aussi, je dois dire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié beaucoup. Je vous propose d'aller écouter 3 pièces qui sont tirées de ce premier album de True Belief, qui est paru de façon indépendante. Donc, allons-y tout de suite avec Star of Madness. Let's go! Yeah.

bourse de 250 $ offerte par la Fondation de l'UQTR et une Apple TV accompagnée d'une carte iTunes d'une valeur de 250 $ offerte par TD Assurance Meloche Menox. Une présentation du Bureau des diplômés de l'UQTR. Prenez-vous le geek comme un compliment. Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television Television, le bloc Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! Plus d'informations, visitez cifou.ca. Oui, vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead, Undead Incorporated Show, pour encore 31 minutes, très précisément. On vient d'entendre la formation Star of Madness, première parution pour ces Allemands de Truth Belief, qui est paru le 29 janvier dernier de façon indépendante. On a entendu la pièce Yule Horror, c'était précédé de Abu Teb, et en ouverture de triplé, soit Despair. Formation qui donne, qui me rappelle beaucoup par moment la formation Grave ainsi que Entomb. Formation que je trouve assez efficace dans le genre, comme je disais en présentation, rien de très très original, mais l'efficacité est au rendez-vous. Peut-être le petit point négatif que je reproche à Star of Madness, c'est les guitares qui sont un petit peu trop mid-range, un peu rasoir à mon goût, mais c'est souvent le lot des formations qui donnent dans un trash à tendance death comme ça, d'arriver avec des sons un peu mid, mais bon... c'est correct, là. Un peu plus gras aurait été bien. Bref, j'ai bien aimé Star of Madness, et puis certainement vous allez en entendre dans les prochaines semaines, voire prochains mois, ici même à Réanimation. Chronique cinéma et série télévision. Ben, ce qui est en salle actuellement, c'est le deuxième chapitre de John Wick, qui met en vedette Keanu Reeves et Laurence Fishburne. Le premier John Wick m'avait agréablement surpris. C'est un film d'action qui l'est toujours, oui. Moi, je pense pas qu'il est disparu, là. Très d'action, voilà. Très violent aussi par moment. Bon, est-ce que je prône la violence? Pas du tout. Par contre, l'action, oui. C'est en salle actuellement, John Wick 2, Chapter 2, si vous préférez. Série télévisée que j'ai terminée pas plus tard qu'hier, dont je vous avais brièvement parlé la semaine dernière. C'est une série de science-fiction à connotation thriller, mais encore là, je suis pas certain. C'est The Man in the High Castle, première saison, une production de Frank Spotnitz qui met en vedette Alexa Davalos, qui m'a royalement tapé sur les nerfs en bout de ligne, Rupert Evans et Luke Kleintank, et qui raconte que les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie. En 62, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre, des films qui seraient de propagande qui stipuleraient que ce n'est pas la vérité. L'Allemagne et le Japon n'ont pas gagné la guerre. Et bref, ils sont confrontés à toutes sortes, évidemment, d'embûches, voire meurtrières. L'idée de base est très originale. C'est ce qui m'a poussé à écouter la série. C'est vraiment original comme idée. Ça peut être contestable aussi, j'imagine, parce que tout est contestable aujourd'hui. Et pour pas grand-chose souvent. Mais bref, l'originalité est au rendez-vous avec The Man in the High Castle. Par contre, je dois dire que 10 épisodes qui durent en moyenne à peu près une heure chacun, oui, voilà. Ça part bien, mais je dois dire que on a l'impression qu'on a affaire à un feu, peut-être pas de paille, mais de brindille, parce que rapidement, les personnages deviennent très fades, très peu charismatiques. En fait, généralement, dans une série télévisée, il y a toujours un personnage ou deux qu'on préfère. Ici, ben, il y en a pas du tout. En fait, ce qu'on trouve le plus aux personnages dans The Man in the High Castle, c'est qu'on les aime pas. Donc, pas parce que ce sont des méchants, parce qu'en fait, les méchants sont peut-être les plus charismatiques, puis ils sont pas vraiment. Bref, c'est correct, là. Ça m'a quand même incité à regarder la saison en entier. Mais pour arriver en conclusion que finalement, c'était correct, mais il n'y a rien de fantastique là. Par contre, quelque chose qui était vraiment excellent et je dirais vraiment peut-être même plus qu'excellent, c'est la dernière production de Mel Gibson qui s'appelle Hacksaw Ridge, qui est un biopic. Film de guerre historique, si on veut, qui met en vedette Andrew Garfield, qui en passant, c'est pas vraiment pas mon meilleur. Andrew Garfield, c'est celui qui a joué dans les derniers, entre guillemets, remake de Spider-Man. Ça met aussi en vedette Vince Vaughn, qui est excellent. Mais Garfield se défend très bien dans le rôle de Desmond Doss. Et ça raconte l'histoire de ce fameux Desmond Doss qui, en 1940, étant jeune, et le fils, et un frère aussi, qui a à peu près le même âge, d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui est très perturbé par cette guerre, qui est devenue alcoolique et qui bat sa famille, littéralement sa femme et ses enfants, et qui grandit dans une forme de violence pour devenir lui-même relativement violent jusqu'à lors d'une bataille entre frères étant jeune, et il a failli le tuer. Donc, ça le marque énormément, et ce qui le marque, c'est lors de l'événement qui a failli coûter la vie à son frère, de voir une espèce d'encadrement chez lui qui comporte l'illustration des 10 commandements de Dieu, et celui qui dit « tu ne tueras point », ça l'a marqué énormément. Et 15 ans plus tard, son frère s'est enrôlé comme volontaire pour partir en Europe pour combattre les nazis, en 1945, donc vers la fin de la guerre. Et lui aussi, il a fait de même, mais jure de ne jamais vouloir tuer personne et de ne jamais prendre d'armes. Il veut consacrer son enrôlement militaire aux soins médicaux, à être infirmier sur les champs de bataille, et ça cause énormément de conflits lors de son recrutement, de son entraînement, jusqu'à ce qu'il soit même passé en cour martial et enfermé, pour que finalement son père réussisse à avoir gain de cause en utilisant la décision d'un ancien frère d'armes qui est rendu haut commandement de l'armée, pour faire pencher la balance de la cour martiale envers sa faveur, la faveur de son fils, finalement, pour dire oui, tu auras le droit de pratiquer le poste d'infirmier sans avoir à toucher d'armes. C'est un film qui dure 2h16. La première heure est consacrée vraiment à cette portion. C'est très psychologique, mais c'est vraiment très bon et très bien fait. Et la deuxième portion, la deuxième heure, elle est excessivement violente, puisque c'est l'assaut des Américains sur Okinawa, sur une falaise. Ils se font repousser constamment par les Japonais. Et c'est vraiment... c'est ahurissant. Je crois que ça ne peut même pas décrire possiblement la moitié des horreurs que ces militaires-là auront subi, mais c'est très marquant. C'est excessivement bien fait, et justement, on n'est pas tombé dans la facilité du gore dans cette deuxième partie de film. On est arrivé avec quelque chose qui est très très humanitaire. Donc, Hacksaw Ridge est un film que je conseille énormément. Faut aimer, bien sûr, les films de guerre. Et celui-ci fait partie certainement des meilleurs qui ont été faits dans les 10 et 20 dernières années. Et je me propose ce soir de débuter une nouvelle série télévisée qui porte le nom de Gangland Undercover, qui est une série criminelle, biopic également. C'est une série de History Channel et qui raconte les véritables événements entre 2003 et 2006 lorsque Charles Falco a infiltré l'un des plus célèbres gangs de motards de l'Amérique. Donc ça risque d'être vraiment bien. Les critiques sont assez unanimes au niveau de la qualité de cette série Gangland Undercover. Voilà. Deuxième présentation de nouveautés. Je dis nouveautés, oui, parce que ça a été rendu disponible il y a quelques mois. Mais quelques mois, ce que je raconte là? Quelques semaines à peine. C'est quand même paru il y a un an, février 2016. Je parle de l'album Speech of the Flames, de la formation italienne Valgrind, pardon. Mais l'air est assez vicié ici, c'est incroyable. Et Valgrind signifie « Les portes du Valhalla ». Donc, c'est le deuxième album de Valgrind, Speech of the Flames. Je vous propose d'aller écouter trois pièces immédiatement. J'ai vraiment beaucoup apprécié Valgrind. Donc, à l'instant, la réanimation. Let's go! Destroy. dire. Adopter tous en l'humain de Trammel. Try the lies of the famous week. Terrorizes, divide us to the Yeah. Formation italienne Valgrind et trois pièces tirées de leur plus récente parution Speech of the Flames. On vient d'entendre la pièce From the Darkest Wound. C'était précédé de Into the Realm of Into the Realm of Grey Light. Et nous avons débuté avec l'introduction et la pièce Tyrants. C'est paru sur Lord of the Flies. C'est une étiquette que je ne connaissais pas. Et c'était leur deuxième parution, parue il y a pratiquement un an, mais nouvellement disponible. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous présenter ma troisième nouveauté, soit Sepultura, formation brésilienne, et leur 14e album. On va se reprendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, ce sera les présentations seront, comme je l'ai mentionné, Sinister, Dope Lord, Immolation, et maintenant, Sepultura. Si vous êtes amateur de métal, qui la dose de 2 heures de ce soir ne vous a pas suffi, voilà. Eh ben, je vous invite à aller écouter Subversion avec notre ami DJ Tower of Death ce vendredi dès 18h30 sur les ondes d'Underground Québec et que vous pouvez reprendre en podcast sur SoundCloud. Si vous voulez aussi les chroniques et les diverses appréciations des dernières parutions métal, mais au-delà de ça aussi, en différents styles, ainsi que les appréciations de cinéma et de séries télévisées, je vous invite aussi à aller voir le blog de hurlemort.com, celui de mon ancien assistant Sinistros, et ce vendredi à Rock Classic dès 11h, c'est le traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que le Rockmaster et moi allons vous passer tout au long de l'après-midi une petite... Non, plus d'après-midi, parce que c'est vrai que la première heure, c'est juste des niaiseries. 3 pièces issues du même et c'est l'artiste au groupe. Rock classique jusqu'à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Je vous laisse avec une dernière pièce d'une formation que j'ai très peu l'habitude de passer, soit Megadeth. Je vous propose une pièce tirée de leur deuxième album, Endgame, qui est paru en 2009 sous étiquette Roadrunner Records. C'est un des rares albums de Megadeth qui m'avait plu. Je vous propose la pièce 44 Minutes. Et de rester assez fou, puisque 21h, c'est matière noire. D'ici là, eh bien, allez tous vous faire foutre. Et see you! Baptized in a firefight, hot blood running cold.